Lors du mariage fantastique de sa cousine, Lisbeth avait plié devant cette destinée, comme les frères et sœurs de Napoléon plièrent devant l'éclat du trône et la puissance du commandement. Adeline, excessivement bonne et douce, se souvint à Paris de Lisbeth et l'y fit venir vers 1809, dans l'intention de l'arracher à la misère en l'établissant. Dans l'impossibilité de marier aussitôt qu'Adeline le voulait, cette fille aux yeux noirs, aux sourcils charbonnés, et qui ne savait ni lire ni écrire, le baron commença par lui donner un éclat. Il mit Lisbeth en apprentissage chez les brodeurs de la cour impériale, les fameux Poncefrères. La cousine, nommée Bette par abréviation, devenue ouvrière en passementerie d'or et d'argent, énergique à la manière des montagnards, eut le courage d'apprendre à lire, à compter et à écrire. Car son cousin, le baron, lui avait démontré la nécessité de posséder ses connaissances pour tenir un établissement de broderie. Elle voulait faire fortune. En 2 ans, elle se métamorphosa. En 1811, la paysanne fut une assez gentille, une assez adroite et intelligente première demoiselle. Cette partie, appelée passementerie d'or et d'argent, comprenait les épaulettes, les dragonnes, les aiguillettes, enfin cette immense quantité de choses brillantes qui scintillaient sur les riches uniformes de l'armée française et sur les habits civils. L'empereur, en italien très ami du costume, avait brodé de l'or et de l'argent sur toutes les coutures de ses serviteurs et son empire comprenait 133 départements. Ses fournitures, assez habituellement faites aux tailleurs, gens riches et solides, ou directement aux grands dignitaires, constituaient un commerce sûr.